magique, chata. Gal wine. Bubble. J'aime quand tu doogies, quand t'augmentes le level. Oui, gal wine. And bubble. Quand t'as la tête en bas, tout le monde devient parano. Allô Didi, on y va.